Chapitre 6e. Henri rentrait après une absence de 2 jours. Il embrassa sa mère, serra la main à son père, à ses frères, à Nicolas et à Casimir, puis décrocha sans mot dire les 2 bretelles de coton servant à maintenir son hamac sur ses robustes épaules. Il déposa sur la grande table de Grignon un pack de forte taille sur la robe grisâtre duquel 2 troubéants rougeoyaient. L'arrivée du jeune chasseur fut saluée, comme toujours, de cris joyeux. Tous les habitants de la colonie, y compris les animaux, faisaient fête à l'aîné des Robinson, dont une visible préoccupation obscurcissait les traits ordinairement si enjoués. Et pourtant, l'accueil de sa mère n'avait pas été moins tendre que de coutume, et l'étreinte de son père, de ses frères et de ses amis, moins affectueuse que jadis. Les hocos avaient hérissé leurs crêtes et doucement nasonné. Les agamis avaient lancé leurs belliqueux appels de trompette, les marailles, les perdrix en bois, les tocros s'égosillaient. Non seulement les pensionnaires de la basse-cour, mais encore les animaux à demi-domestiques participaient à cette cordiale bienvenue. Michaud, le tamanoir, la queue fièrement dressée en panache broussailleux, grognait de joie à la vue de Cat, le jaguar apprivoisé, et Simi, le macaque de Charles, folâtre comme au jour déjà lointain de son enfance, après avoir bondi sur le félin, se mit à gratter frénétiquement son crâne et souriait, et à fouiller la toison de cette apocalypse monture en cherchant avidement les parasites qui pouvaient y avoir élu depuis peu domicile. Ce tableau biblique, cette confusion pacifique des genres et des espèces, cette harmonie d'éléments divers qui d'ordinaire faisait la joie du jeune homme et rendait plus complet encore le bonheur du retour, le laissait impassible. Henri paraissait étrangement préoccupé. Cette froideur absolument inusitée étonna, inquiéta même son père. « Es-tu malade, mon enfant ?» demanda le proscrit, bien que la haute mine et la fière attitude de son fils donnassent un formel démenti à cette supposition. « Non, père, » dit respectueusement le jeune homme, « tu sais bien que j'ai fait depuis longtemps un pacte avec la santé. Mais tu ne dis rien, je craignais un accès de fièvre. Vois-tu, mon cher ami, quelle que soit la vigueur de l'Européen, quelque complète que soit son adaptation au climat de la Guyane, sa vieille ennemie, la fièvre, toujours au guet, semble chercher un point faible pour pénétrer dans son organisme. Ton absence a été bien longue. Tu ne restes jamais aussi longtemps hors de la maison. Véritablement, nous commencions à être inquiets. « Pardon, père, ma chère et bonne mère, pardon, » reprit-il sans répondre directement au proscrit. « Le démon de la chasse m'a encore tenté. Et tu as, comme toujours, succombé à la tentation. C'est vrai. Quand je sens l'immensité devant moi, quand la forêt vierge, avec ses solitudes inexplorées, ses taillis sans fin, ses futaies géantes, s'offre à ma vue, je me sens transformé. De capiteuses bouffées de plein air me montent au cerveau, un souffle ardent de liberté m'emplit la poitrine, il me semble chevaucher l'inconnu et traindre l'infini. Tout cela pour tuer un pack, ajouta malicieusement Eugène, l'espiègle, un fourchasseur devant l'éternel, un vrai Némrod équinoxial. Henri, qui avait la réplique prompte en temps ordinaire, ne répondit rien, au grand désappointement de Nicolas qui raffolait de ses affectueux et pacifiques tournois de paroles, à la suite desquels vainqueurs et vaincus, à bout de salive et de dialectique, riaient comme de grands écoliers en récréation. « Un pack. Il n'a tué qu'un pack, en 2 jours !» fit le Parisien avec son grand rire sonore. « Tu as donc rencontré maman Dilo ?» comme dit Casimir. « Non, compé !» riposta vivement le bon vieux noir d'un accent craintif. « Ou qu'a pas parlé blaguio, maman Dilo, li pas content toujours, li capricieuse pas ces femmes peau rouge, li bon comme moun blanc, li méchant passé où y a coulé. » « Ne plaisantez pas, maman Dilo, elle est plus capricieuse qu'une indienne, elle est ou bonne comme un blanc ou mauvaise comme un y a coulé. » Pendant que Nicolas riait des terreurs de son vieil ami, Henri fit à son père un signe imperceptible et les 2 hommes sortirent. L'aîné des Robinson avait repris son arc avec ses flèches et sifflé son jaguar. Robin rompit le premier le silence. « Quel mauvais diplomate tu fais, mon cher Henri. Pourquoi cela, père ?»« C'est qu'à moins d'être aveugle, sourd et muet, il est impossible de le regarder pendant 1 minute sans s'apercevoir que tu es porteur d'une mauvaise nouvelle. Oh, que dis-tu là ? L'exacte vérité. Comment, toi, le batteur d'estrade infatigable, toi, l'archer à la flèche infaillible, tu rentres au bout de 2 jours avec un aussi piètre gibier. Toi, l'homme aux muscles de fer, toi, aussi brave et plus fort qu'aucun de nous, tu t'armes pour venir à 20 pas de la case, tu te fais accompagner de ton farouche gardien et tu t'étonnes de ma remarque. Je te le répète, mon enfant, un péril nous menace. C'est vrai, mais je ne voulais pas alarmer maman. À la bonne heure, je reconnais bien là mon fils, mon bras droit, mon alter ego. Le danger doit être imminent, et bien grave, pour motiver une telle préoccupation. Juge en toi-même, père. J'ai trouvé des traces de blanc mêlées à une piste d'indien. Le proscrit resta impassible, mais ses yeux s'allumèrent. C'est grave, dit-il lentement, très grave. Je ne ferai pas à tes facultés de coureur de bois l'injure d'un soupçon. Tu as vu, et bien vu. Je doutais, tout d'abord. Ce n'était pas la première fois que je relevais une piste humaine. J'ai suivi souvent les traces d'Indiens. J'en étais même arrivé à reconnaître, comme on dit en termes de vénerie, les foulées d'un aramicho, de celles d'un émerillon. Celles produites par les pieds tordus des derniers ne pouvaient être confondues avec l'empreinte élégante et fine des premiers. Pas plus que la marque lourde du galibi ne pouvait être attribuée à celle que laisse la démarche légère de l'œil en pis. Mais que nous importent encore ces êtres inoffensifs? Robin écoutait sans interrompre ces définitions si complètes, si simples aussi, et se reportait, malgré l'imminence du péril, peut-être à cause d'elle, au errant légendaire de Cooper, sur les traces duquel son fils aîné marchait si vaillamment. Le jeune homme continua. Je venais de siffler un agouti. Kat, assis près de moi, attendait patiemment l'instant favorable pour s'élancer sur lui, quand je le vis donner tout à coup des signes d'inquiétude et de colère. Tu connais l'instinct merveilleux et le flair sans pareil de mon compagnon. Je doute que les limes et d'Europe puissent rivaliser avec ce terrible chasseur que nous avons plutôt dompté qu'apprivoisé. L'agouti s'approcha, nous écouta, fit entendre son grognement de surprise et s'enfuit sans que Kat ait fait la moindre attention à lui. Son mufle, plissé par la colère, se tournait vers une direction complètement opposée. Je prêtai l'oreille. Il me sembla entendre sous bois un froissement, mais si faible. Je me dissimulai derrière un court baril et j'attendis en empoignant mon jaguar par la peau du cou. Le bruit se rapprocha et j'aperçus bientôt à quelques pas dix peaux rouges marchant en file indienne. Il y avait sept hommes et trois femmes, dont une très jeune qui paraissait en proie à une violente douleur. Un grand vieillard de figure farouche, le chef sans doute, l'interpella rudement. Un gémissement lui échappa. Il la frappa brutalement sur la bouche d'un coup de manche de son sabre. Le sang jaillit. La malheureuse courba la tête et se tut. Ils passèrent tout près de moi, et je vis qu'ils émigraient, car ils portaient tous leurs effets de campement et pliaient littéralement sous le poids de leurs provisions. Cela ne m'intéressait pas de savoir où ils allaient, mais je voulais savoir d'où ils venaient. C'est parfait, mon ami. Je reconnais bien là ta prudence. Ces gens peuvent n'être qu'une fraction d'une tribu importante, et il était urgent de reconnaître leur nombre et leur position. Oui, père. Je pris séance tenante le contre-pied. J'arrivai à ces montagnes que nous visitâmes jadis et où nous trouvâmes de si beaux échantillons de quartz aurifère. Mais alors la piste s'embrouilla, ou plutôt se multiplia. Les traces des premiers Indiens se mêlaient à de nombreuses empreintes également laissées par des peaux rouges, mais la nature du terrain ne me permit pas tout d'abord de reconnaître exactement les différences qu'elles pouvaient offrir. J'avisai une petite crique, et j'eus le bonheur de retrouver les pas de ceux que j'avais rencontrés tout d'abord. Il n'y avait pas à s'y tromper, ils étaient 10, y compris les femmes. Je ne sais pourquoi mon cœur se serra. Ces empreintes me rappelaient à s'y méprendre celles de Jacques, la ramicho que nous avons sauvée. La vue de cette jeune femme en pleurs, l'acte de brutalité du vieillard qui paraissait être le chef, l'absence de Jacques, un secret pressentiment m'avertit qu'un drame lugubre avait dû se passer depuis peu, et non loin de nous. Ce premier point établi, et ses traces relevées, j'inspectai minutieusement le sol et pus reconnaître aisément la provenance des autres. Elles appartenaient évidemment à des émerillons, car presque toutes offraient cette courbure caractéristique du gros orteil infléchi en dedans. 5 ou 6 Indiens de cette seconde troupe étaient privés du petit orteil du pied gauche. J'en conclus que c'était des tios, d'après ce que m'a raconté Casimir relativement à leur coutume. Ces derniers étaient-ils nombreux? 20 à 25, sans compter les blancs. Ceci est plus sérieux encore, dit le proscrit songeur. Mais continue ton récit. Il ne saurait être ni trop long ni trop détaillé, et je vois avec plaisir que tu agis avec ton intelligence habituelle, sans omettre aucune particularité quelque peu importante qu'elle ait pu paraître tout d'abord. Le jeune chasseur, fier de cet éloge, reprit. Chose étrange, toutes ces traces se réunissaient au même point, avec cette différence que celle des Aramichos s'en éloignait et que celle des Thios et des Émérions y aboutissait. Je ne pus, malgré les plus patientes investigations, découvrir d'où partaient les premières, ni où se perdaient les autres, car il semblait que la montagne se fût tout à coup entr'ouverte et refermée pour me cacher le mot de l'énigme. Mes recherches n'avaient pourtant pas été inutiles. J'avais, à plusieurs reprises déjà, remarqué sur les plaques blanchâtres du quartz quelques érosions ardoisées à reflets métalliques paraissant résulter d'un froissement de fer contre la roche. Ce ne pouvait être ni une pointe de flèche, ni une lame de sabre. C'était plutôt une coulée produite par un coron de la grosseur d'une chevrotine. Un peu plus loin, j'en aperçus quatre sur la même ligne horizontale et placées un demi-centimètre. « Mais ce sont des clous de souliers, » me dis-je tout d'abord. Je ne m'étais pas trompé. 10 mètres plus loin, l'homme avait fait un faux pas. Un de ses clous était arraché. J'en retrouvais la tête profondément encastrée dans une alvéole de roche à ravet. Je l'ai rapportée, elle est dans mon sac. Je te la montrerai tout à l'heure. J'étais certain désormais de la présence d'un blanc parmi les Indiens. « C'est bien, mon cher fils. Tu as raison de point en point. Nul parmi les indigènes de la Guyane et parmi les Noirs ne porte notre chaussure européenne. Mais les autres blancs ?»« Les preuves sont moins évidentes, mais tout aussi concluantes. J'ai dû procéder par induction. » La troupe s'est arrêtée un peu avant d'arriver à la montagne, sur un terrain légèrement humide. On a tenu conseil. Les quatre blancs étaient au centre. L'homme au soulier porte un fusil. J'ai retrouvé sur la terre molle la marque de la plaque de couche. Quant à ses trois compagnons, ils sont pieds nus, comme les Indiens. Et comment tu peux reconnaître leur empreinte? C'est que les peaux rouges au repos s'accroupissent et font porter le poids du corps tout entier sur les orteils, tandis que les blancs sont restés debout pendant cet entretien qui a duré près d'un quart d'heure, en jugé par la profondeur et la netteté des traces. Ton raisonnement me semble juste. Les étrangers sont bien prêts de deviner le secret de notre retraite. Dans les circonstances présentes, qui dit étranger pourrait dire ennemi, presque à coup sûr. Ne suis-je pas toujours fugitif? Le temps de la prescription, comme ils disent là-bas, est loin d'être arrivé. Je serai encore de bonne prise. Le regard du jeune homme flamboya. Il étreignit la poignée de son sabre avec une sombre énergie et ajouta. « Te prendre, toi, le vaillant entre tous? Non, tu n'y penses pas. Les Robinsons de la Guyane, commandés par leur père, peuvent défier une armée. On peut ravager nos plantations, détruire nos cases, anéantir l'habitation, mais la forêt est à nous. Ah, qu'ils y viennent donc, qu'ils essayent un geste, qu'ils prononcent un mot, qu'ils tentent de toucher un cheveu de ta tête. Tu verras si les fils du proscrit sont dignes de leur père. Enfant, pourrions-nous associer ta mère à cette vie d'aventure et de péril? Ma mère est la compagne du lion. Elle connaît la fatigue et méprise le danger. Et d'ailleurs, ne sommes-nous pas préparés depuis de longues années à cette idée de la violation possible de notre retraite? Toute réflexion faite, la situation n'est peut-être pas désespérée. De graves événements peuvent s'être accomplis dans la colonie depuis cette longue période de 10 ans passée pour nous sans communication avec la vie civilisée. On parle à peine de la découverte de l'or à cette époque. Qui sait si les filons, ou tout au moins les alluvions, ne sont pas exploités en grand? Qui sait enfin si nos inconnus ne sont pas des mineurs en prospection? Accompagnés d'Indiens, c'est bien douteux. En somme, qu'allons-nous faire? Tu as sagement agi, en m'avertissant tout d'abord de cet incident, que tu as cru devoir cacher à ta mère et à tes frères. Je pense pourtant qu'il serait bon de leur en faire part au plus vite. Notre décision sera subordonnée après de mûres réflexions à l'avis de la majorité. Les membres de la colonie, intrigués déjà par l'entrée insolite de Henri, commençaient à s'inquiéter de la longueur de son entretien avec son père. Un silence de glace accueillit tout d'abord la confidence de ce dernier. Chose assez rare, Nicolas, qui d'ordinaire laissait volontiers parler avant lui ses jeunes amis, et ne donnait son opinion qu'après avoir entendu la leur, Nicolas rompit brusquement le silence. Il obéissait à une sorte d'entraînement inconscient qui le poussait à parler comme malgré lui, ainsi qu'il arrive fréquemment, lorsqu'une idée déchire tout à coup les ténèbres de la pensée et s'impose ainsi qu'une indiscutable vérité. « Monsieur Robin, et toi Henri, vous avez pensé à tout, sauf à une chose. Laquelle ?» dirent d'une seule voix le père et le fils. « Ces quatre blancs ne peuvent être que ceux auxquels nous avons eu affaire déjà. Repoussés par nous de la rivière, ils ont pris une autre route, se sont adjoints une tribu d'Indiens, et nous allons les avoir avant peu sur le dos. Je sens en moi quelque chose qui me le dit. Cette pensée me tenait la cervelle depuis que vous parlez. J'ai beau essayer de me persuader que je me trompe, rien n'y fait. Croyez-moi, ne cherchez pas à côté, là est la vérité. Oui, tu as raison, Nicolas. Quelqu'un vraisemblable que paraisse le fait, nous devons l'admettre sans discussion jusqu'à preuve du contraire. Le diable emporte ce galopin de peau rouge avec ses histoires de secrets d'or et ses confidences au clair de la lune. En voilà un qui aurait mieux fait de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de nous jeter dans une pareille aventure. Ah, patron, quel malheur que vous n'ayez pas autorisé Henri à larder de quatre bonnes flèches ces oiseaux de proie. Voyez-vous, il n'y a rien de bon à attendre d'eux d'après les traitements dont l'Indien a été victime. Quelle joie pourtant de revoir des blancs, s'ils étaient d'honnêtes chercheurs d'or au lieu d'être le rebut des bagnes. Je vous le répète, je voudrais me tromper, mais j'affirme qu'un semblable voisinage implique pour nous l'imminence d'un grand péril. Nous ne pouvons pourtant pas les attaquer ainsi de but en blanc sans provocation de leur part. Et s'ils tombent sur nous à l'improviste, ravagent l'habitation et compromettent nos existences, vous n'ignorez pas que ces particuliers-là ont une singulière façon d'envisager le respect des personnes et des choses. Si cependant ils ne faisaient qu'une courte apparition dans nos parages, s'ils se retiraient une fois leur but atteint, ce serait pour revenir en plus grand nombre, et le danger s'accroîtrait d'autant. Moi, je reviens toujours à mon idée première. Piou ! Fit-il avec le geste de décocher une flèche. Et puis, plus personne. Sans être aussi exclusif que toi, mon cher Nicolas, je conviens qu'il faut prendre d'énergiques et promptes mesures. Nous allons au plus vite nous mettre en campagne, reconnaître la position des étrangers et tâcher de savoir leurs intentions. L'entreprise est difficile et pourtant j'espère la mener à bien. Nous nous sommes trouvés jadis dans des circonstances non moins périlleuses et nous avons triomphé de tous les obstacles. Voici ce que je propose. Nous partirons tous quatre après-demain, Henri, Edmond, Eugène et moi. Charles et sa mère resteront à la case avec Nicolas et Casimir en attendant patiemment notre retour. Kat gardera également la maison. Mais, fit judicieusement observer Henri, si pendant notre excursion, une partie de la troupe venait aussi en reconnaissance du côté de l'habitation. J'ai prévu ton objection, mon enfant. Nous allons dès à présent construire un carbet non loin de la crique, dans un endroit absolument désert. Nous l'approvisionnerons largement. Nos traces seront effacées, le corps de réserve s'y installera et la bonne mère sera laissée dans un apparent abandon. Ce qui peut arriver de pire est de la retrouver pillée de fond en comble. Nous serons leur kit pour la reconstruire. Je ne vois pas pour l'instant d'autres parties à prendre. Ce plan, si simple et d'une exécution si facile, reçut bientôt son application. Le carbet fut dressé non loin du point où, 10 années auparavant, avait eu lieu la lutte entre le tigre et le tamanoir, lutte mortelle pour les deux adversaires, et dont le résultat fut l'adoption des deux favoris de la colonie, Kat et Michaud. Madame Robin, habituée de longtemps aux péripéties nombreuses auxquelles est sujette la vie des coureurs de bois, vit partir sans inquiétude son mari et ses trois fils. Elle avait confiance en leur expérience, en leur intrépidité. Nicolas, désappointé tout d'abord de se voir condamné à l'immobilité, prit bientôt son parti de ce petit mécompte en pensant qu'elle allait avoir à veiller sur sa bienfaitrice. Il reconduisit les quatre voyageurs jusqu'aux limites de la bonne mer et revint lentement en effaçant jusqu'au moindre vestige des traces. Notre brave ami, le Parisien, n'était pas un garde du corps à dédaigner. Nul n'eût reconnu dans ce robuste gaillard à la poitrine bombée, à la face de brique, aux yeux clairs et hardis, le voyageur naïf et dépaysé qui, 10 ans auparavant, marchait d'étonnement en étonnement à travers la grande broussaille équinoxiale. Il s'était débrouillé ici comme à Paris, et son adaptation à la vie sauvage avait été merveilleusement rapide. Il maniait l'arc aussi bien que n'importe quel peau rouge, suivait une piste comme le meilleur chasseur, et n'avait pas son pareil pour déjouer les ruses de la goutti, du pack ou du tatou. Il eût fallu le voir relever un brin d'herbe tordu, raccrocher une liane, gratter du bout du doigt un peu de terre tombée d'une fourmilière, restituer en un mot au sol sa configuration primitive, de façon à tromper l'œil du plus fin rastréador. Aussi, quand il fut rentré triomphant au carbet, et qu'il eut prononcé les sacramentelles paroles « Tout est paré », Madame Robin et le jeune Charles ne conservèrent aucun doute relativement à leur sécurité. Quant à Casimir, toujours aussi alerte et joyeux, son large et affectueux sourire indiquait une jubilation réelle. Casimir était fier de ses élèves et surtout de Nicolas qui avait commencé bien tard son éducation de Robinson. Aussi le bon vieux répétait-il à satiété que Compé Nicolas depuis longtemps passé nègre, n'avait au monde qu'un seul rival, Mouché Henri. Pendant ce temps, le proscrit et ses fils marchaient lentement, mais infailliblement dans la direction de la piste relevée par Henri. Ils allaient, comme toujours, en file indienne, insensibles à la température et sans éveiller du plus léger bruit l'imposant silence de la vaste solitude. Les hamacs, les vivres et les armes ne pesaient pas à leurs robustes épaules. Les intrépides colons étaient depuis longtemps familiarisés avec tous leurs effets de campement, comme nos vaillants soldats d'Afrique auxquels un entraînement de tous les instants procure la facilité d'accomplir des tours de force capables de stupéfier les Arabes eux-mêmes. La journée fut coupée d'une simple halte d'une demi-heure au bord d'une crique pour permettre de prendre le repas. Ce régal d'anachorètes, dont le menu serait susceptible de donner la fringale à nos gourmets, se composa d'une poignée de couac délayée dans un peu d'eau et d'un petit morceau de singe boucané. L'on est sobre dans les forêts guyanaises, d'autant plus que l'on hésite toujours à se charger outre mesure de provisions. Le soleil déclinait rapidement, il était 5 heures du soir. Dans une heure, l'astre incandescent allait s'éteindre brusquement sans crépuscule. C'est l'heure à laquelle il faut penser à organiser un campement sous peine d'être inopinément surpris par l'obscurité. En temps ordinaire, les Robinsons se contentaient d'accrocher côte à côte leur hamac aux premiers arbres venus, à 1 mètre du sol, avec leurs armes à portée de la main. Ils se trouvaient malheureusement au milieu d'un impénétrable fourré, planté d'arbres immenses, couvrant de leurs rameaux un terrain humide et gras. Nous disons malheureusement, parce que matin et soir, ces points de la forêt sont régulièrement noyés par un de ces grains, dont nulle expression ne saurait dépeindre l'incroyable surabondance. Pendant le jour, le soleil aspire les buées tièdes, aussi épaisses que le brouillard londonien. Le nuage, ce terrible linceul des Européens, surchargé de miasmes, s'élève péniblement à travers les branches. Il flotte lourdement jusqu'au soir, immobile et comme accroché aux plus hautes cimes. Puis, au moment où la flamboyante chevelure de rayon disparaît, et où la température subit un rapide abaissement d'un degré, ses nuées, condensées instantanément, s'écroulent. L'ouragan de pluie s'abat en ronflant sur les feuilles, ruisselle en cascade sur les troncs, tord les lianes et noie le sol. Le même phénomène, amené par des causes identiques, se produit invariablement 2 fois par jour sur le point où la forêt est le plus épaisse. Le défrichement seul peut en empêcher le retour. Les Robinsons, un homme prudent et avisé, résolurent d'éviter à tout prix cette averse colossale qui allait fondre sur eux dans 1 heure. En route, peu importe d'être mouillé. L'on continue à marcher et les habits finissent par sécher. Mais la nuit, le voyageur trempé comme au sortir d'une rivière est forcément immobilisé dans son hamac. Il ne peut réagir contre le froid humide qui l'envahit jusqu'aux moelles. Il est bientôt glacé, le frisson le prend, la fièvre arrive, et quelquefois l'accès pernicieux le saisit. 5 fois sur 10, c'est un homme mort. Les 4 hommes, après une rapide inspection des lieux, résolurent de bâtir un carbet. Rien de solide, d'imperméable et pourtant de simple comme cette installation qui rend de si grands services à tous les nomades de la zone intertropicale. Il suffit de 4 pieux, l'on fait généralement choix de 4 arbres disposés en carré, que l'on relie au moyen de traverses légères attachées par des lianes et recouvertes de feuilles formant toiture. Il n'est nullement besoin de parois latérales, de murailles, puisque la pluie tombe toujours verticalement. Une fois l'emplacement trouvé, le sol débarrassé des herbes et des broussailles, l'on possède au bout d'une demi-heure un abri sous lequel on peut impunément braver les averses les plus furieuses. L'essentiel est d'éviter le voisinage des arbres morts que le moindre effort peut renverser et dont la chute peut être la cause d'irréparables désastres. Nos amis, après avoir pris toutes les précautions inspirées par leur vieille expérience, dormaient depuis 1 heure à peine sous leur carbet quand l'ouragan se déchaîna soudain. La journée avait été particulièrement accablante. Le grain se compliquait d'un orage formidable. Rien d'émouvant comme ce flamboiement des cygnes trouant l'épaisse fumée. Rien d'étrange comme l'immobilité des géants impassibles qui semblaient les colonnes d'une voûte en feu. Rien de terrible comme ces fulgurations accompagnées de détonations roulant sans discontinuer sous les arceaux feuillus. Et pourtant, nul souffle n'agitait les masses végétales, immobiles toujours et comme pétrifiées. L'orage équatorial semble une canonnade dans une fournaise. Les Robinsons, oppressés, assourdis, aveuglés, attendaient patiemment la fin de ce cataclysme quand un coup de tonnerre, plus fort s'il est possible que tous les autres, retentit au-dessus de leur tête. Le sol trembla. Les arbres, servant d'assises à leurs carbets, s'écartèrent, et le frêle abri de feuilles se disloqua. Puis, un craquement immense domina le bruit de la foudre, un coin de forêt s'écroula, ensevelissant le campement sous un monceau énorme de branches, de feuilles et de lianes.